Malachie chapitre 3. Voici, je m'en vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi, et incontinent le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple, l'ange, dis-je, de l'Alliance, lequel vous souhaitez, voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue, et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu de celui qui raffine, et comme le savon des foulons. Et il sera assis comme celui qui raffine et qui purifie l'argent, il nettoiera les fils de Lévi, il les épurera comme l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel, une oblation suivant la justice. L'oblation de Juda et de Jérusalem, sera agréable à l'Éternel, comme dans les jours d'autrefois, et comme dans les premières années. Je m'approcherai de vous pour faire jugement, et je serai témoin subit contre les enchanteurs, et contre les adultères, et contre ceux qui jurent faussement, et contre ceux qui fraudent le loyer du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, et qui font tort à l'étranger, et qui ne me craignent point, a dit l'Éternel des armées. Parce que je suis l'Éternel, et que je n'ai point changé, à cause de cela, enfants de Jacob, vous n'avez point été consumés. Depuis le temps de vos pères vous vous êtes détournés de mes statuts, et ne les avez point gardés. Retournez-vous vers moi, et je me retournerai vers vous, a dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi nous convertirons-nous? L'homme pillera-t-il Dieu, que vous me pillez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous pillé? Vous l'avez fait dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes certainement maudits, parce que vous me pillez, vous, toute la nation. Apportez toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder, et qu'il y ait provision dans ma maison, aidez maintenant et prouvez-moi en ceci, a dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre les canaux des cieux, et si je ne répands en votre faveur la bénédiction, en sorte que vous n'y pourrez point suffire. Et je réprimerai pour l'amour de vous le dévorateur, et il ne vous ravagera point les fruits de la terre, et vos vignes ne seront point stériles dans la campagne, a dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, parce que vous serez un pays souhaitable, a dit l'Éternel des armées. Vos paroles se sont renforcées contre moi, a dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous donc dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu, et qu'avons-nous gagné d'avoir gardé ce qu'il a commandé de garder, et d'avoir marché en pauvre état pour l'amour de l'Éternel des armées? Et maintenant nous tenons pour heureux les orgueilleux, et même ceux qui commettent la méchanceté sont avancés, et s'ils ont tenté Dieu, ils ont été délivrés. Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel y a été attentif, et là oui, et on a écrit un livre de mémoire devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel, et qui pensent à son nom. Et ils seront miens, a dit l'Éternel des armées, lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyaux, et je leur pardonnerai, ainsi que chacun pardonne à son fils qui le sert. Convertissez-vous donc, et vous verrez la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne l'a point servi.